L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur les ondes de votre radio locale RGB pour une nouvelle édition de l'apostrophe, l'émission. Avec en studio Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe avec qui nous coproduisons cette émission. Bonjour. Bonjour. Avec Pauline Masson, comédienne sur le spectacle Journal d'une apparition, d'après l'œuvre de Robert Desnos, que nous allons évoquer au cours de cette émission. Bonjour. Bonjour. Bernard Toublanc, président de l'apostrophe, car effectivement, nous allons parler des actualités toutes immédiates et futures, un futur qui se rapproche en réalité, concernant la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, avec ce qui n'est plus un projet, une fusion annoncée entre, d'un côté, l'apostrophe, la scène nationale, et de l'autre côté, le théâtre 95, l'ensemble ne faisant qu'un tout. Nous allons en savoir davantage au cours de cette émission, donc avec le président Bernard Toublanc. Bonjour. Bonjour. Il y aura autre invité par insert téléphonique, par phoneur, comme on dit aussi également sur les ondes de radiophonie. Pierre Badarou, le créateur de deux spectacles qui seront présentés au cours de cette émission, Climax et Dambé. Commençons par le commencement. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Pierre Badarou, vous êtes musicien, multi-instrumentiste, vous êtes également compositeur associé au Dôme Théâtre, la scène conventionnée d'Albertville, j'ai bien dit les choses? Vous avez bien dit les choses. Nous allons parler ensemble de deux spectacles insolites, particuliers, atypiques, oserais-je dire. Le premier, Climat, voire Climax. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça, Climax, oui. Un concert commenté, concert documentaire, et tout cela pour une veillée particulière. Effectivement, Climax, c'est une forme singulière puisqu'elle mène la volonté de faire un concert, mais la volonté de parler aussi des questions importantes que sont aujourd'hui le changement climatique. Et de le faire de deux manières différentes, mais complémentaires à mon avis, c'est-à-dire d'une façon un peu documentaire et d'une façon poétique. Le tout donc bien sûr avec de la musique, un travail d'électroacoustique, de radiophonie même pourrais-je dire, tout ça dans une forme qui réunit tous ces éléments et qui jamais en fait ne laisse la place à l'un ou l'autre des éléments, tout se fait en même temps. Alors les éléments, vous partez d'une bande dessinée qui a pour titre Saison Brune de, de Philippe Squarzoni, de textes de littérature, voire de poésie, oui. Jean Giono, Jim Harrison, Aimé Césaire, donc des univers très divers, où la littérature, la poésie se mêle, voire se mélange avec la musique vivante. Oui, tout à fait. Au départ, il y a la rencontre avec ce roman graphique de Philippe Squarzoni, qui est une œuvre importante, moi, qui m'a beaucoup touchée. Philippe Squarzoni fait un travail de documentariste, journaliste, sur ces questions du changement climatique. Et dans ce roman graphique, il donne à comprendre les enjeux du changement climatique. Et en fait, je crois qu'il réunit surtout les pièces un peu éparpillées d'un puzzle qui nous est offert dans les différents médias, dans nos différentes lectures, écoutes, regards, mais qu'on ne comprend pas forcément. Voilà, moi en tant qu'individu, j'avais conscience de ces problèmes-là, mais je crois que je ne comprenais pas vraiment comment tout était lié, entremêlé. Et la lecture de ce texte m'a fait prendre conscience de la façon dont, justement, tout s'entremêle, d'un point de vue tant technique, des choses objectives sur le changement climatique, des données scientifiques, qu'un regard plus politique, comprendre comment notre société fonctionne et comment nous, les êtres humains qui la constituons, fonctionnons également dans ce schéma de pensée qui est le nôtre. Et comment tout ça produit ces changements et comment aujourd'hui on a très peu de chances de s'en sortir si on ne change pas de comportement, de pensée plus que de comportement. Enfin, le comportement découlera de la pensée. Mmh. Alors, vous invitez le spectateur, là je crois savoir le jeune spectateur, le jeune public, pour une écoute curieuse et rêveuse entre attention et abandon, et vous vous appuyez pour cela avec non seulement des musiciens en live, en direct, mais également une palette, une multiplicité de sources sonores, c'est ça? Oui, c'est ça, nous sommes cinq au plateau, donc il y a un narrateur, orateur, qui est également chanteur. Il a ce rôle difficile d'être celui qui porte la parole documentaire sur ces questions du changement climatique. Il est celui qui porte la voix des poètes, qui vient en écho à la parole documentaire, parce que les écrivains, les poètes sont aujourd'hui les gens qui finalement parlent aussi de ces changements et qui en parle d'une façon différente, donc c'est intéressant de les mettre en écho. Et il est chanteur, donc il reprend sa place dans l'orchestre de chanteur. Et autour de lui, il y a donc un pianiste, Bruno Angelini, un batteur, Nicolas Larminia, Vivien Trelka, qui lui travaille sur l'électroacoustique, les sons étranges, les sons abstraits, toutes les couleurs sonore, et moi-même à la contrebasse et à la basse électrique. Spectacle donc où il est question, comme vous le disiez au début de cet entretien, du changement climatique aux conséquences effectivement majeures pour notre environnement, une manière de sensibiliser autrement le jeune public à ces sujets de société. Oui, et pas que les jeunes publics, les adultes aussi, vraiment, je le redis, Philippe Squarzoni, moi, m'a touché avec un roman graphique et j'ai eu envie, à ma manière, avec mon domaine, mon champ d'intervention qui est la musique et le spectacle vivant qui donc mêle le texte, parfois les images, le monde du sonore avec la musique, le spectacle pour le spectacle vivant, j'ai eu envie de toucher les gens, de leur parler de ça. Et voilà, je sais que la télévision le fait, les journaux, des écrivains, des dessinateurs et journalistes. Et moi, voilà, j'ai eu envie de le faire en spectacle vivant. Donc je crois qu'on peut toucher, là on essaye, on a envie de solliciter les gens sur cette forme-là, un peu singulière. Mmh. On invite nos auditeurs donc pour ce spectacle les vendredis 18 novembre, c'est à 10h et 14h en séance scolaire, et le samedi 19 novembre à 17h, donc là on peut venir en famille, oui. À l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy, et effectivement sur un sujet comme ça, c'est bien pour le coup d'inviter à venir en famille, parce qu'on peut en parler ensuite entre enfants et parents finalement. Exactement, on peut en parler, il y a vraiment un débat à ouvrir à la maison, dans la famille. On peut prolonger ce spectacle par la découverte de ce roman graphique de Philippe Squarzoni, qui est vraiment un ouvrage qui peut être lu par tout le monde. C'est un ouvrage peut-être un peu difficile, enfin, non, même pas. C'est un pavé, ça fait 500 pages, mais c'est passionnant, passionnant. Et... On rappelle d'ailleurs que c'est cette bande dessinée Saison Brune, donc de Philippe Squarzoni, dont il est question dans notre échange. Un deuxième spectacle, là aussi, pour le coup, je parlais de spectacle atypique. Là, vous nous invitez pour un concert narratif, voire poétique, sous casque. Ai-je lu ? Donc là, finalement, homme de radio que je suis, je prête une oreille un peu plus attentive, puisque vous-même, vous allez solliciter l'oreille de chaque spectateur pour le spectacle d'Ambé, qui aura lieu les 19 et 20 avril 2017. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, d'Ambé, c'est d'abord un récit autobiographique coécrit par Aya Sissoko et Marie Desplechin. Autobiographique puisque c'est la vie d'Aya Sissoko. Aya est une jeune femme qui a aujourd'hui 36 ou 37 ans, qui est née en France, de parents maliens, et qui connaît une enfance

au piano. Et il a composé effectivement toute la partition musicale de ce spectacle. Lui. Oui, en lien avec Gabriel. Et ce qui est merveilleux dans ce que fait Antoine, c'est que certes, il a composé quelque chose qui est là, on a des rendez-vous, mais il s'adapte à chaque soir et il suit vraiment les comédiens au plateau. Il est avec nous complètement. Et c'est très agréable. Spectacle qui sera à découvrir les jeudis 24 novembre à 19h30, le vendredi 25 novembre à 20h30. Ce sera à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Et juste indiquer que Gabriel Dufay a déjà été accueilli en 2013 à l'apostrophe. Jean-Joël Le Chapelain doit s'en rappeler, forcément. Absolument, avec le texte Illa Jalli de Yon Foss, qui était un long parcours qui a été effectué par Gabriel pour arriver à monter ce spectacle dans lequel il a non seulement porté le projet, mais il l'a mis en scène, il l'a joué aussi, puisqu'il était l'un des acteurs de ce spectacle. Et je trouve que c'est une belle continuité, même si dans la temporalité, Yon Foss est plus près de nous que Robin Desnos. Mais dans la continuité artistique, il y a un débouché, un prolongement du travail singulier de Gabriel Dufay que l'on se plaît à donc à accueillir une nouvelle fois. Et Pauline Masson était déjà de cette aventure-là, mais dans un autre rôle. Voilà. À la collaboration artistique. Voilà. Parce et que Antoine Bataille, le musicien également. Elle a de multiples compétences, Pauline, donc il faut les exploiter au mieux. On parle de musique. Pauline, vous avez choisi une chanson, une musique pour les amateurs d'Alain Bashung. Ils vont s'en réjouir d'avance. Un bel album, indispensable album, la fantaisie militaire. La chanson que vous avez choisie. Aucun Express. Et nous l'avons choisie parce que c'est par Bashung que Gabriel est arrivé à Robert Desnos, puisque sur l'album L'Imprudence, Bashung interprète un poème de Desnos. C'est comme ça qu'il l'a découvert, donc c'était une manière aussi de retracer. Et puis également parce que cette chanson parle de la recherche d'absolu, de la recherche de l'être aimé, et a de fortes résonances avec le poème « Jamais d'autre que toi », puisque Bashung termine dans Aucun Express chacun de ses vers par « Sinon toi ». Magnifique choix. Merci Pauline Masson. Merci à vous. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un costora. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes. J'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun Valhalla ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers.

Merci de ces précisions, merci de ces informations en direction du public, des fidèles de l'apostrophe comme du Théâtre 95 sur ce territoire et des futurs spectateurs, plus nombreux encore, à rejoindre et à adhérer, à participer à ces programmations artistiques et culturelles. Merci. Il est temps de conclure cette émission. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion de cette émission, vous composez le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois, ou bien sur internet, sur le site programme complet de la saison à l'apostrophe, au www.l'apostrophe, tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net. Remerciements à l'ensemble de nos invités, Jean-Joël Le Chapelain, Pauline Masson, Bernard Toublan et Pierre Badarouche, pour avoir participé à cette émission. Merci à Arnaud Vasseur, qui est dans l'ombre toujours et un jour on le mettra dans la lumière, qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Damien Gissa pour la réalisation technique de cette même émission. Émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin. Émission qui sera rediffusée samedi 12 novembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net, puis ensuite disponible en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission aura lieu le mercredi 14 décembre 2016 de 19 à 20h sur RGB. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy Pontoise, voire même aussi à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.